Document 3, page 36. Et maintenant, notre envoyée spéciale, Suzanne Marchand, pour le mariage de l'actrice Isabelle Rémy avec l'homme d'affaires Oscar Durieux. Suzanne, c'est à vous. Bonjour, Paul. Ici, il fait un temps magnifique. Pendant que je vous parle, les invités entrent dans le château où le banquet va avoir lieu. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vu passer des couples très célèbres. Suzanne, avez-vous assisté à la cérémonie religieuse ? Bien sûr. L'église était pleine de fleurs blanches et un groupe d'enfants a chanté pendant toute la cérémonie. C'était très émouvant. J'ai pleuré, Paul, comme tout le monde ici. Ah bon ? Est-ce que les enfants d'Oscar sont là ? Non, Paul. Ils l'ont déclaré à la presse hier. Ils ne viendront pas au 7e mariage de leur père. Quel dommage ! Oscar Durieux est l'homme le plus riche de France depuis qu'il a acheté la société Vin et Fromage. Il a 66 ans et il a vécu pendant 11 ans avec la chanteuse Sylvie Marteau. Quelques mots sur Isabelle Rémy. Isabelle Rémy a 19 ans. C'est son premier mariage, bien sûr. Elle connaît Oscar Durieux depuis 9 mois. Plus exactement, depuis qu'elle a tourné dans le film Oscar Oscar, qui raconte la vie d'Oscar Durieux. Mon cher Paul, ce mariage est une magnifique histoire d'amour. Si vous le dites, je n'en doute pas, Suzanne.